Et quand vous travailliez chez Dieudonné, vous faisiez combien d'instruments par semaine? C'était quoi le rythme? Deux. Deux instruments. Ouais. Et est-ce que vous faisiez de la réparation à l'époque? Ah oui, je faisais de temps en temps de la réparation. Je n'ai jamais été aux pièces, j'ai toujours travaillé à la journée. Ah oui. Alors,